Choisir ta Pokéball. Mais que des cartouches, donc ils ont la rage côté goal. Bientôt vert comme sel, plus la merde comme sel. J'ai trop de flow, nécro. J'ai dit sous sans stress comme sel. Elle me demande pourquoi je fume tant de shit. Je lui dis pour sa pop jusqu'en Chine. Dans la cuisine, trouve-moi des fractés avec les ingrédients et les ustensiles. J'aime des pétards, j'ai grave la dalle comme un enfant somalien. Demande 5 ans pendant la famille. 24 piges, mentalité triple OG Corleone. J'aime pas intransigeant dans la famille. Je veux les gros sous, remballe ton avance. Pendant qu'il rappe sans âme, on avance. 6-7 LDO, 26 pétasses. Chic, tu conses, t'inquiète pas, j'ai plein de 16 pétasses. Prof, chien.